Je me suis presque senti chez moi lorsque l'on s'est tourné le dos, à peine sorti des draps qui n'ont rien couvert des assauts que nous avons menés, toi et moi, chair contre chair, peau contre peau, où la lumière rentrait comme ça. On aurait quand même pu tirer les rideaux. Je me suis presque senti chez moi, appuyé sur ton lavabo. Dans la glace, je ne voyais pas ton regard par-dessus mon dos. Encore des étrangers après ça, et sûrement des ennemis bientôt. C'est aussi bien d'en rester là, c'est déjà plus qu'il en faut. Presque senti chez moi, sur le palier sans dire un mot, le verrou claquant sous tes doigts, presque soulagé d'un fardeau, des escaliers jusqu'au froid, et dehors toute cette eau, je disparais sans savoir de toi, sans que tu bouges le rideau.